Devant la préfecture, des projectiles volant tous sens. Manifestaient également en région, ainsi à Toulouse, qui étaient plusieurs centaines à manifester. Étaient venus dire leur colère, leur désarroi dans la crise qu'ils traversaient. Des manifestants qui auparavant avaient provoqué les 600 gendarmes mobiles et CRS. La rébellion a promis une guerre totale. On est dans le mur et c'est déjà trop tard. Difficile de savoir combien ils sont réellement à la rue. L'espérance de vie ne dépasse pas les 50 ans. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir ? Espérer quoi ? Espérer la mort. On va dans le mur, va dans le mur, va dans le mur, va dans le mur, va dans le mur, va dans le mur. Eh, c'est droit devant, droit devant, droit devant, droit devant, droit devant. Les mains, le mur nous attire comme un aimant. Vraiment. Ne vois-tu rien autour de nous, c'est dément. L'homme mi-commis, démon demain. La guerre pour nous tous, c'est bienvenue à toi, gamin. C'est la triste réalité, pas le ciné comme on. Pas besoin de gommer qu'il mange ses ongles, toi du saumon. Arrête, petit enfant français, pourquoi te plains-tu? À ton âge, ils sont par terre à se faire roser, manger du pointu. Par cet homme armé qui n'a que ça à faire, l'armée. Partons sans nom, c'est son drapeau qu'il préfère. Putain, destin sordide, ne vois-tu pas que le rappeur d'aujourd'hui rêve de finir à la Tupac. La jeunesse vient de gratter, elle y paripé. Quand elle est déshydratée, elle sort les glaçons et du gibet. Les bonnes soirées c'est cramé comme Jeanne d'Arc. L'ambiance était son bouteille de sang jeune et un parc. Prêt pour le choc, car chaque minute qui passe est un coup de chat. Tous ces traîtres de paix me font rire comme Salomon. Arrêtez ces poignées de main sans respect, je fais pas l'aumône. J'ai jamais demandé à être rassuré par ces types qui disent nous servir, mais en fait rage dans la purée. On est du pêche, on a non à la jupé. Lui est libre, mes frères au mandat dépôt et inculpé. Le monde c'est comme la course du daron. Ça fauché même si tu cours comme Christine Aro. Allez regarde gars, c'est nous l'avenir, les jeunes cons. Mais la mort nous va ravir, c'est 2-3 joints sur du balcon. Un vrai suicidaire mais on n'a pas le temps hein. Quand les tanks dans la ville comme dans les Balkans. Non y'a pas de camp, où ça pète pas. Non y'a pas de camp, garde-en pour s'inviter, n'a pas besoin de faire pas. Regarde elle meurt, t'appelles planète hein. Comme ce type planète qui dit je vais m'en sortir. Mais c'est taille les veines à la canette. Prêt pour le choc, car chaque minute qui passe est un coup de chat. Va dans le mur, et c'est droit devant. Elle émane notre élément, c'est l'élan du sang, couper les vannes. On va dans le mur et une sale odeur, on émane. À la dure, la vie est fan de nous voir périr par les flammes. Va dans le mur, et c'est droit devant. Elle émane notre élément, c'est l'élan du sang, couper les vannes. On va dans le mur et une sale odeur, on émane. À la dure, la vie est fan de nous voir périr par les flammes. Blaze à une tornade, à un ouragan. Mais y'a pas de nom pour ce type qui rase et bombarde les Afghans. Quand cet enfant russe est à l'école, attend le clown. Ce sera femme tchétchène, dynamite et ceinture de clou. Regarde gars, y'a plus de saison, la montée des zones. Non y'a plus de raison, les mômes s'exercent au plan des iso. Schizo, easy, d'acheter une arme pour me briser les os. Et la plus grande puissance mondiale se gave sur le réseau. Dans 10 ans, guerre chimique à l'horizon. C'est comme faire un pique-nique sur le chemin d'un troupeau de bisons. 5 masques à gaz pour toute ta région. Gadjo, ce sera nous les pigeons mourant pour lésion. 2006, c'est la psychose de l'attentat. Mais le kamikaze explose, tu ne l'attends pas. Tant pis, le monde s'est affranchi comme Réliota. Mais moi je connais la fin, je te garantis, ça finit en tas. Prêt pour le choc, car chaque minute qui passe est un coup de chat. Le mur se rapproche, j'ai pas de solution, pas de résolution. Juste mon son, mes mots et une élocution. Ces cas sociaux ont mis la morale en location. Ne sois pas soucieux si t'as la guerre comme seule vocation. Apparemment, je balance un constat alarmant. Parano peut-être, mais pas constamment sous calmant. 416, c'est le nombre de morts par heure du sida. Maladie ou génocide, mais qui décida? La vérité, celle que seuls les hommes d'État savent. On l'a pas mérité, on est baisé sur un son de cassave. C'est nous les héritiers d'un monde trop bancal. Mais on est sans pitié, on pisse ses chies dans l'eau du bocal. Et ma gueule, vas-y bouge, réveille le pilote. Dis-lui que ça part en couille, qu'un tas de boutons qui grignote. Et qu'on cherche pas à nous ici. Capin déjà visible, dirigé par les imbéciles. Prêt pour le choc, car chaque minute qui passe est un coup de chat. Va dans le mur et c'est droit devant. Elle émane notre élément, c'est l'élan du sang, couper les vannes. On va dans le mur et une sale odeur, on émane. À la dure, la vie est fan de nous voir périr par les flammes. Va dans le mur et c'est droit devant. Elle émane notre élément, c'est l'élan du sang, couper les vannes. On va dans le mur et une sale odeur, on émane. À la dure, la vie est fan de nous voir périr par les flammes.